Alors, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. C'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 625 avec un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Ben on the Run, sorti en 1973 par Paul McCartney. On écoutera Ben on the Run, Jet, Bluebird, Let Me Roll It. Il y aura également Picasso's Last Words et on finira avec 1985. Mais il y aura du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Oh Yoko. Ah oui, oh bah, elle a plus de 90 ans, on va lui rendre hommage là avec une chanson Oh Yoko sur l'album Imagine en 1971. Il y aura pour George Harrison What Is Life, extrait de l'album extraordinaire du masterpiece, du chef-d'œuvre, du best-seller All Things Must Pass en 1970. Ringo Starr nous chantera une chanson que lui a écrite John Lennon, I'm the greatest, je suis le meilleur. Et c'est vrai qu'il est très très bon, on le prouvera, on l'a déjà prouvé dans la saga. C'est sur l'album Ringo en 73. Quant aux Beatles, ils nous chanteront Ask Me Why sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. C'est le titre complet de l'album que je résume en disant simplement l'album Please Please Me en 1963. Voilà, pour le reste, je vous propose d'aller sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on va passer jusqu'à 22h. Une bonne soirée à l'écoute de John, Paul, Ringo et George. Plus que jamais d'actualité, ce sont les meilleurs. Ce sont les Beatles et les Fabulous Four, d'où le nom de l'émission La Saga des Fab Four. Voilà, bienvenue à vous tous et toutes et à tout de suite. Premier titre, premier renouveau de Paul McCartney après les Beatles, enfin vrai grand décollage on va dire de Paul McCartney après les Beatles, Ben on the Run sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Je lis quelquefois sur le web que Yoko Ono est la cause de la séparation des Beatles. Non. Non, je vais la défendre pour une fois. Un peu, mais à peine. Parce que George Harrison n'avait pas assez de place. Parce que quand on passe de 20 ans au début des Beatles à 30 ans en 1970, plus ou moins, hein, on va dire, on change, on mûrit, on grandit. Ils n'étaient pas mariés, sauf John Lennon qui l'était en 63. Ils étaient tous mariés en 1970. On a une vie de famille, c'est autre chose, c'est différent. Et Lennon avait envie d'aller dans un sens, McCartney avait envie d'aller dans un autre. McCartney était le seul des quatre à avoir envie de faire des tournées. Encore que peut-être Ringo Starr se serait laissé emporter parce que lui était ami avec tout le monde, donc il aurait certainement suivi quiconque. Mais voilà, donc Yoko Ono a été la muse, M-U-S-E, de John Lennon, c'est bien. Elle a été la femme de John Lennon, c'est bien. Elle a été artiste ? Non, elle n'a jamais été artiste. Mais enfin, elle a inspiré, ça c'est selon mes idées à moi. Elle a inspiré John Lennon, notamment cette chanson, Gentillette. C'est pas du tout une grosse chanson, ça s'appelle Oh Yoko, sur RG, c'est extrait de l'album Imagine, en 71. C'est guiré, ça sautille, c'est gentil. C'est John Lennon sur RG. In the middle of the night, in the middle of the night, I call your name. Oh, Yoko. Oh, Yoko. My love will turn you on. Voici ce que dit George Harrison sur cette chanson « What is Life » dans son bouquin « I'm in Mine ». Il dit « What is Life » a été écrite pour Billy Preston, mais oui, en 1969. Je l'ai écrite très rapidement, 15 minutes ou une demi-heure peut-être, sur le chemin de Olympic Studio à Londres, lorsque je produisais l'un de ses albums de Billy Preston. En raison de la situation, en raison de l'ambiance de cette session, ça m'a semblé trop difficile de rentrer et de dire « Hey, j'ai écrit cette chanson assez catchy, vous allez voir. » Alors que Billy était en train de jouer avec ses airs funky. Je l'ai reprise pour moi plus tard dans l'album « All Things Must Pass ». Donc ça lui est arrivé à George Harrison de peut-être, alors est-ce qu'il s'en rendait compte, je ne sais pas. Mais d'écrire pour les autres et puis de se dire, oh, finalement, je vais la garder, cette chanson. Et voilà. Voilà l'histoire de What is Life, qui est une très bonne chanson de George Harrison. When I was a little boy, told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. Took me by the hand, and you know what she told me? I was great. Je suis le meilleur dans ce monde, dans le monde prochain, dans n'importe quel monde. John Lennon avait dit, si moi, c'est moi qui ai écrit la chanson, si moi je disais, je chantais, je suis le meilleur, tout le monde me prendrait pour un plouc, alors que si c'est Ringo qui le chante, et bien tout le monde va trouver ça plutôt sympa dans l'ensemble. Et c'est vrai, c'est une chanson très sympa de Ringo Starr. Il y a 3 sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, 2 français et 1 anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.com. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos 4 amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers. Ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, beatlesmagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Oui, il va falloir que je rallonge un petit peu. J'ai perdu tous mes jingles dans mon problème d'ordinateur, donc ce soir on va faire les jingles à la bouche. C'est la saga. Non, la semaine prochaine je ramènerai l'ancien ordinateur et ça se passera bien, promis. Demandez-moi pourquoi. C'est le titre de la chanson Ask Me Why, les Beatles. Thank you. Probablement composé en 1962 sur une idée de John, Ask Me Why est une chanson mineure qu'ils inclurent à leur répertoire pour les concerts à la caverne cette année-là. Ask Me Why fut créé le 11 juin 1962 lors du Teenage Turn, une émission de radio de la BBC. Ce fut également l'une des quatre chansons qu'ils proposèrent lors de leur première séance d'enregistrement au studio EMI d'Abbey Road le 6 juin 1962. Mais George Martin la trouva trop faible pour leur premier 45 tours. Elle fut réenregistrée en février 1963 et sortie en Angleterre en phase B de Please Please Me. Retour à l'album de la semaine, l'album Band on the Run, le chef-d'œuvre des années 70 de Paul McCartney. Et ce titre, Jet, sur RG. À la hauteur des Beatles, celle-ci, en 1973, cette chanson-là. Quelle belle chanson, signée George Harrison. On va se coller sur les Beatles, les jeunes Beatles, année 64, je crois, oui. 64, quelle belle année d'ailleurs entre nous, avec deux Beatles à la suite. Il y aura d'abord I'll Follow the Sun, puis I Feel Fine. Je vous propose la petite histoire de I'll Follow the Sun. Il n'y avait pas deux points de vue plus opposés sur la vie et l'amour que ceux de Paul et John. Tandis que John se posait en victime, Paul se disait maître de son destin. Dans If I Fell, sur l'album Hard Day's Night, John exige qu'on lui garantisse la stabilité d'un amour, tandis que dans I'll Follow the Sun, qu'on va écouter dans quelques instants, Paul reconnaît qu'une telle promesse est impossible. Il sait qu'un orage peut survenir dans une relation amoureuse et préfère suivre le soleil. I'll Follow the Sun est une ancienne composition de Paul qui fut retravaillée lorsque le besoin de matériel se fit pressant, notamment pour cet album For Sale, parce que l'album c'est à vendre, et quand on voit la tête fatiguée qu'ils ont, on sent que c'est un album qui a été fait, d'ailleurs il y a beaucoup de reprises, et ce sera la dernière fois, et on sent que ça a été fait, entre guillemets, à la va-vite, et pourtant il y a de très très bonnes chansons dessus.

J'ai vu une interview de Paul McCartney qui date d'il y a quelques années seulement, mais il a dû le raconter bien avant aussi, que ce qu'il y avait de marrant chez les Beatles, c'est qu'ils cherchaient constamment à innover et même des erreurs étaient gardées. Ce que vous entendez au début, c'était l'un des premiers, sinon le premier Larsen de l'histoire. C'est John qui a posé sa guitare à côté de l'ampli et on a entendu le pong. Et ils ont décidé de le garder et de le mettre en début de chanson parce que ça ne s'était pas fait jusqu'à présent. C'est tout bête et c'est drôlement bien quand même. Tiens, la chanson suivante, puisqu'on vient de parler de John Lennon, c'est un John Lennon. Et vous allez voir, c'est un peu en berlificoté, mais ça a un rapport avec l'actualité. La chanson que je vous propose, c'est Working Class Hero sur l'album Plastic Ono Band en 1970. C'est une très bonne chanson. Et on a dit à John Lennon, oui, là, tu imites Bob Dylan. Et John Lennon a répondu bien justement, c'est pas parce qu'on est juste avec une guitare acoustique et un chant qu'on est forcément, on fait forcément du Bob Dylan. Voilà. Et c'est pas faux. Et puisqu'on parle de Bob Dylan, eh bien, est sorti aujourd'hui un film, un biopic sur Bob Dylan. Et il paraît qu'il est très, très bien. Je vais aller le voir dans les jours qui viennent, probablement, si j'en trouve le temps. Et je vous conseille d'aller le voir, puisque on m'en a dit, personnellement, de ma famille, on m'en a dit du bien, du très, très bien. Le biopic de Bob Dylan qui est sorti aujourd'hui dans les cinémas. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Voilà. je me fais avoir à chaque fois. Je me fais avoir à chaque fois. Je crois que c'est fini, alors que c'est pas fini. Et je sais que c'est pas fini, mais j'ai envie de parler, et puis c'est trop tard. Bon, pas grave, ben vous subirez ça à chaque fois. Vous êtes bien sur RJ 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 625, avec un album dont on décortique 6 chansons, et cet album, c'est l'album Ben on the Run, le masterpiece de Paul McCartney en 1973. Voici une nouvelle chanson, Bluebird, sur RJ. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. Stars that shine. dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Encore, encore. I think I'm gonna be sad. I think it's a day. She don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. I don't know why she's riding so high. Sure thing twice, she ought to do right by me before she gets to saying goodbye. Sure thing twice, she ought to do right by me. I think I'm gonna be sad. I think it's today. She gets to saying goodbye. Sure thing twice, she ought to do right by me. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. Trouvez qu'on entend très très bien la voix de Paul en soutien de celle de John, etc. Eh bien, c'est normal, parce que c'est la version, le remix de 2023, donc plus clair, plus joli. En tout cas, c'est très très très très bon. On a parlé en début d'émission de George Harrison qui n'avait pas assez de place sur les albums des Beatles, et c'est en partie pour ça que lui a été tenté par le départ de était tenté de faire autre chose. Il a trouvé sa place dans un autre groupe, un groupe qui était formé de 5 personnes qui, avec lui, qui n'avaient rien à perdre, puisqu'ils étaient déjà tous et toutes des vedettes. Il s'agit des Traveling Wilburys. Voici extrait de leur premier album, la chanson Heading for the Light. Et il me semble bien que c'est George Harrison qui a fait le lead sur cette chanson-là. Album sorti en 1988. Deux albums seulement, c'est dommage. Et vous êtes sur RIG. She said to me, love will find a way. let me hear you sing. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Ai-je dit qu'il y a un nouveau film avec Bob Dylan? Oui, oui, je sais. Mais parce qu'on reparle de Bob Dylan, nous sommes en 1965 et l'album acoustique Another Side of Bob Dylan vient de sortir. Et ça a poussé John Lennon à écrire d'une façon plus intense et plus personnelle. Il se mit à composer des chansons répondant fidèlement à l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment où il écrivait. Les premiers vers de You've Got to Hide Your Love Away décrivent John face à un mur, la tête dans les mains, ce qui est certainement tout à fait représentatif de ses sentiments du moment. La chanson parle d'une liaison qui a mal tourné et des sentiments cachés que John éprouve pour celle qui est partie. Tony Bramwell suggère qu'elle fut composée comme un conseil donné à Brian Epstein de garder ses relations homosexuelles secrètes. Les rapports homosexuels étaient à l'époque illégaux en Angleterre. On a également dit que You've Got to Hide Your Love Away était une allusion à une relation extra-conjugale secrète qu'avait John à l'époque. Ça, j'en suis pratiquement certain. John la composa à Kenwood et elle fut utilisée dans le film lors de la séquence durant laquelle Eleanor Brown rend visite au groupe dans leur maison commune pour tenter de récupérer la bague sacrée. Oui, vous imaginez, je me souviens bien de la scène. Les maisons en Angleterre ou à Londres, en tout cas, sont vraiment pareilles. Si vous rentrez complètement bourré, il faut vraiment connaître votre adresse parce qu'elles se ressemblent les unes les autres. Elles sont côte à côte avec exactement une identité pareille, quoi, la même maison. Et lorsqu'on rentre dans le film, on rentre sur plusieurs portes. En fait, on aboutit, admettons quatre portes pour les quatre Beatles, on aboutit dans la même maison où ils sont tous. Et c'est comme s'ils avaient abattu les murs des quatre maisons pour faire une seule maison. Bon, et Peter Shotton, un ami d'enfance de John, était avec lui à Kenwood et se souvient que dans le texte original, John se sentait 2 feet tall, haut de 2 pieds. Ce qui ne doit pas être très grand, mais je ne sais pas trop ce que c'est des pieds dans la mesure anglaise. Mais qu'il se trompa en chantant, disant « 2 feet small », bas de 2 pieds. Paul trouva que ça sonnait mieux et ses paroles furent conservées. Shotton assista aussi à l'enregistrement qui eut lieu le 18 février 1965 et participa au « Hey !» du « You've Got to Hide Your Love Away » du chœur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là et retour à l'album de la semaine. Avec cette chanson, on en parle juste après « Let Me Roll It » sur RIG. Alors, je vais faire comme John Lennon le faisait dans ses chansons. Je vais vous parler un petit peu de moi. Je l'ai fait déjà plusieurs fois au sujet de cette chanson-là. Pour cette chanson « Let me roll it », ma sœur, ma grande sœur Isabelle, qui est un petit peu plus âgée que moi, m'a dit qu'en 1973, lorsque cette chanson-là est sortie à la radio, elle s'était dit à l'époque, le riff, la façon de chanter avec de l'écho, avec très façon cri de Janov, là. Bah, c'est John Lennon qui chante, c'est John Lennon, c'est du John Lennon. Eh ben non, c'est du Paul McCartney qui, un peu comme quand on dit à John Lennon qu'il imite Dylan, ben là, McCartney s'est amusé à imiter John, consciemment ou pas, c'était une envie de faire une chanson comme ça, néanmoins, je peux dire que ça ressemble beaucoup à ce qu'aurait pu faire John Lennon, cette chanson-là. Il aurait peut-être pu la chanter. Bon, et donc voilà, c'était du presque John Lennon, mais pas John Lennon, c'était du grand McCartney sur l'album Ben on the Run, sorti en 1973. Nous sommes rendus à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit pendant les Beatles ou après les Beatles, même si eux-mêmes reprenaient une chanson de quelqu'un d'autre. C'est arrivé pour George Harrison quand il a repris Baltimore Orioles, par exemple, quand il a repris True Love de Cole Porter, par exemple. Bref, cette chanson-là, la cover, c'est une chanson que quelqu'un a chantée, qu'il soit connu ou pas, ça pourrait être vous. Et là, en fait, c'est même pas chanté, c'est parlé. C'est en 1998, et j'en ai eu l'idée cet après-midi grâce à une de mes lectures, il va se reconnaître sur le web. Cet extrait de l'album In My Life de George Martin, son dernier album, après il a préféré arrêter parce que il s'était dit trop sourd, trop malentendant pour continuer à faire office de producteur. Alors c'est sur cet album que vous retrouvez la chanson que j'adore, I Am The Walrus par Jim Carrey, mais j'ai préféré vous faire pour cette fois-ci In My Life parler par Sean Connery. C'est superbe. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. C'est beau. Wrong all the time.

say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Extrait de l'album Into the Great Wide Open, co-composé, on s'en douterait un petit peu quand on entend la production, par Jeff Lynne. On l'entend dans les chœurs, notamment lorsqu'il fait Learning to Fly, avec un son nappé comme ça. C'est vraiment du style du producteur Jeff Lynne. Bon, extrait du dernier album, hélas, de George Harrison, l'album qu'il a préparé, mais que son fils et Jeff Lynne, lui aussi encore toujours grand copain, a terminé pour lui. Extrait de l'album Brainwashed, voici la chanson Brainwashed sur RIG. Brainwashed in our childhood, brainwashed by the school, brainwashed by our teachers, and brainwashed by all the rules, brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes. God, God, God. Our voice cries in the wilderness. By the Nikkei, a brainwashed by Dow Jones, brainwashed by the FTSE, NASDAQ and secure loans, brainwashed us from Brussels, brainwashing us in Bonn, brainwashing us in Washington, Westminster in London. God, God, God, you are the wisdom that we seek. God, God, God, the lover that we miss. God, God, God, your nature is eternity. My grandma, they even got my grandma. is working for the mob. Brainwash you while you're sleeping, while in your traffic jam. Brainwash you while you're weeping, while still a baby in your pram. Brainwashed by the military, brainwashed under duress. Brainwashed by the media, yeah. Brainwashed by the press. Brainwashed by computer, brainwashed by mobile phones. Brainwashed by the satellite, brainwashed to the bone. Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Hara Hara Hara Hara Mahadeva. Bon, alors ça dure pendant 1 minute 13. Alors je vais vous en faire comment dire, on va pas aller jusqu'au bout, hein. On va quand même vous dire que dans une grosse demi-heure, mais grosse la demi-heure, hein, grosse, ce sera Eric qui est en pleine forme. Il va à la salle tous les jours de façon à se muscler la voix. Et vous allez voir tout à l'heure, ça va être absolument fantastique. Ça va être Johnny de A à Z sans interrompre la moindre lettre. De A à Z, voilà. Ce sera quoi l'album de la semaine, Eric ? Ce que je sais. Ah, ce qu'il sait. Donc, vous en saurez plus à partir de 22h. Suite de la saga, c'est le retour à l'album de la semaine. L'album, c'est Ben on the Run. Et le titre du morceau a été inspiré lorsque Dustin Hoffman, qui tournait un film pas loin, Papillon, il a rencontré Paul McCartney et il lui a dit, c'est vrai que tu peux faire une chanson à partir d'une simple suggestion. Il paraît que Picasso avait dit, buvez à ma santé, et c'était ses derniers mots, parce que je peux plus boire. Eh bien, il a sorti les derniers mots de Picasso. Là, voici la chanson sur RG. Last night, his paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. entier dans votre disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, une liste d'adresses très utile. Rappelez-vous, pendant les sessions de l'album Rock'n'Roll de John Lennon en 75, il avait chanté cette chanson Rock'n'Roll People qui ne sortira qu'en 1986 sur l'album Men Love Avenue. Voici John Lennon surérigé. Dans quoi ? Eh bien, dans la saga des Fab Four. Yeah. change it if it were true. Si on veut essayer de passer toute la playlist, il faut trouver une solution. We can work it out. Ça veut dire oui, oui, on peut trouver une solution. C'est les Beatles sur RIG. Try to see it my way. Do I have to keep... see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my only time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. On va essayer de loger les quatre chansons qui restent. En 2017, Ringo Starr invite son pote Paul McCartney ou On the Road Again sur l'album Give More Love de Ringo Starr. Et c'est sur RIG. We play really loud. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll, that's true. Now we're heading down the highway to play it for you. We're on the road again. We're on the road again. We're traveling. Singing my song, photograph. Nothing's gonna matter when we roll up to play the show. As I open my eyes to this new day, I count the hours until we get to play. We're on the road again. We're on the road. We're on the road again. Dernier extrait, Plus personne en vie en 1985. Ouais, mais ça, c'était dans le futur en 1973. Là, on est en 2025. Bah, apparemment, on est toujours là. C'était Paul McCartney sur l'album, dernier extrait de l'album Ben on the Run sur RIG. Oh, no one ever felt like 1985 will end. two, one, two, three. Thank you. dernière chanson de la saga des Fab Four, parce qu'on est quand même à la bourre, il est 21h59. Vous l'aimez cette chanson, Gonna Need Someone Ringo Starr sur RG. Attention, on lève les papates. C'est Thierry Gallu jusqu'à 22h et un petit peu passé, parce qu'on est toujours à la bourre, toujours. Les paroles de la chanson. You're gonna need someone to have a nice show and it's Johnny de A à Z in a few seconds. D'avoir écouté cette émission de La Saga des Fab Four numéro 625. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures avec un autre ordinateur, celui qui fonctionne bien, pas celui qui me casse les pieds. Passez une très bonne émission avec Eric, je suis certain que ça va être très très très bien. À bientôt, salut, ciao.